Yo soba ya bouche vite moi, yo soba ya bouche vite moi, pinal dans kawal kokaval, del ma kitchen avec sawal, ba ya bou pali retourne la case, yo soba ya bouche vite moi, pinal dans kawal kokaval, del ma kitchen avec sawal, ba ya bou pali retourne la case. Sa ki chapil siga.